J'ai payé trois salopes pour baiser avec moi. Typée plutôt adolescente, débarquant dans ma villa. Les trois mignonnes arrivent, on boit un fond de whisky. Elle m'embrasse, elle me touche, puis elle me déshabille. Que je demande, je les paye assez cher, et elles vont se changer et reviennent en soquettes. Elles me sucent toutes les trois et ça marche pas trop mal. Faut dire que c'est ce que j'aime avec les trucs anal. Bien tendu, je n'arrive plus bandé. Elle me suce à nouveau pour me faire redémarrer. Mais non, plus rien à faire. L'argent ne m'excite pas et elles sont excitées pour ça. Et sûrement pas par moi. La, la. Amour simulé contre un paquet de fric, monnayer un petit trou pour que j'y rentre ma bite. Je ne peux plus bander malgré ces trois super nanas. J'ai envie de gerber, c'est terminé pour moi. La la la. Manger, j'ai envie de pisser, tout un tas d'activités authentiques et naturelles, plutôt que faire semblant de baiser, plutôt que faire semblant d'aimer. Le sexe me dégoûte quand il est imité. Qui encule.